Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Le Grande America, c'est l'histoire d'un porte-conteneur qui s'est échoué, rappelez-vous. À une vitesse de 35 km par jour, ces plaques d'hydrocarbures ici en argenté, déversées par le Grande America, s'approchent de plus en plus des côtes françaises. Elles pourraient atteindre la Gironde et la Charente-Maritime dans quelques jours seulement. 500 km de littoral sont menacés. Deux nappes ont été repérées, l'une à l'endroit où le cargo a fait naufrage, l'autre à une vingtaine de kilomètres de là. C'est depuis ce navire, l'Argonaut, parti de Brest hier, que le dispositif de lutte anti-pollution est coordonné avec l'aide de quatre autres bateaux. Nous faisons tout pour pomper, mais il n'est possible de pomper en mer que si un certain nombre de conditions météo sont réunies. Et il y a, semble-t-il, des fenêtres météo dans les jours qui viennent. En plus des 2200 tonnes de fioul lourd contenues dans les soutes, le Grande America transportait 45 conteneurs remplis de matières dangereuses. 100 tonnes d'acide chlorhydrique, 70 tonnes d'acide sulfurique. Super fail. Alors, début avril 2019, le spectre d'une marée noire semble écarté sur le littoral néo-aquitain, je dis bien semble, mais malgré tout, la catastrophe, elle, demeure, et c'est la raison pour laquelle je vous ai invité, Jackie Bonnemain, bonjour. Oui, vous bonjour. Êtes porte-parole de Robin des Bois, une ONG spécialisée dans la défense de l'environnement. Je dis semble parce que, en matière de naufrage, absolument rien n'est certain, n'est-ce pas? Ah bah, le comité officiel de dérive qui a été installé est assez hésitant, et là, semble se réjouir que la marée noire se dirige vers l'Espagne. Nous, on s'en réjouit pas parce que la mer est indivisible et, les poissons sont libres hors des frontières administratives, et que la pollution arrive en Espagne ou en France nous indiffère assez. En fait, c'est une catastrophe déjà en mer pour les écosystèmes, et cela nous suffit. Comment expliquer une telle catastrophe, Jackie Bonnemain, sachant qu'on a connu des marées noires historiques et qu'on avait l'habitude aujourd'hui de considérer que la situation était plus sûre qu'auparavant? Qu'en est-il en réalité selon vous? Selon nous, le transport maritime est accablé par deux problèmes majeurs. Le gigantisme des bateaux, toujours plus grands, avec de moins en moins d'hommes à bord. Les armateurs rêvent de bateaux sans équipage. Et puis la précipitation, l'urgence. Les navires sont traités comme presque comme des trains. Ils doivent arriver, non pas à 0h19 dans tel port, mais enfin dans la nuit de tel jour à tel jour dans un port. Gigantisme, précipitation. Le Grande America était parti de Hambourg avec beaucoup de matériel usagé, on dira, à bord, voire des déchets à destination de l'Afrique, avec une superposition de matières très inflammables, très combustibles, voire explosives. Et quand il s'est trouvé à 300 km en Sud-Bretagne, là où il se jette en quelque sorte dans le golfe de Gascogne et où il risque d'être hors d'atteinte des hélicoptères ou des navires de secours pendant plusieurs heures, il y a eu une prise de feu qui a été mal maîtrisée par l'équipage, faute de moyens immédiatement disponibles et puis aussi faute d'informations suffisantes sur toutes les cargaisons embarquées. Et là, l'armateur est italien. Donc au lieu de prévenir les autorités françaises, il prévient les autorités italiennes et il contacte surtout sa cellule d'urgence à Naples. Grimaldi est installé à Naples, et sa cellule d'urgence lui dit, son directeur lui dit, tu vas vers la Corogne, éteins et va vers la Corogne. Donc les services italiens préviennent les services français. On a eu une prise de feu sur le Grande America, mais c'est maîtrisé, il se dirige vers la Corogne. Et puis à minuit, Le commandant rappelle les services de secours français, cette fois, et dit finalement, le feu, on n'arrive pas à le maîtriser, et on lance un SOS. Donc la première erreur, c'est des complications, des tergiversations dans l'alerte. Comment cela se fait-il qu'il y ait des zones qui soient hors d'atteinte des moyens de secours, Jackie Bonnemain? Parce que les hélicoptères n'ont pas d'autonomie suffisante. Parce que à ce moment-là, si un hélicoptère avait décollé de Landvéoc au-dessus de Brest, il aurait pu stationner pendant 2-3 minutes au-dessus du Grande América et il aurait été obligé de retourner immédiatement faute d'autonomie suffisante en carburant, d'une part, et d'autre part parce qu'il n'y a pas assez de remorqueurs disponibles de sauvetage dans le golfe de Gascogne. Il en faudrait un du côté de La Rochelle. Il y en a un à Brest, il y en a un à La Corogne, mais il en manque. Parce qu'en général, ces catastrophes qui nous intéressent beaucoup aussi surviennent justement quand il y a des tempêtes. Et quand il y a des tempêtes, les remorqueurs sont très sollicités. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des tempêtes, est-ce que les marchandises sont mal arrimées? Est-ce que, par exemple, dans le fait qu'il y ait de plus en plus d'urgence dans le transport maritime, les containers, puisque là, le Grande América est un porte-container, est-ce que les mesures de sécurité ne sont pas respectées ou insuffisantes, selon vous? Alors, c'est un navire hybride, c'est-à-dire qu'il transporte à la fois des conteneurs et beaucoup de poids lourds et de voitures, qui sont souvent d'ailleurs des voitures et des poids lourds d'occasion, chassés un peu de l'Europe à cause des malus et de la consommation et des particules fines, etc. Donc c'est un navire hybride qui a des garages dans les ponts inférieurs et des conteneurs empontés sur le pont extérieur. Donc les risques sont mélangés. Souvent dans les remorques des camions, il y a des pneus ou des vieux matériaux informatiques, des batteries aussi qui sont susceptibles de prendre feu. Bref, tout ça n'est pas cloisonné, ordonné et suffisamment séparé pour éviter que, quand il y a une prise de feu, l'incendie se propage à tout le navire. Est-ce que ça veut dire qu'il faut revoir les règles de sécurité maritime, Jackie Bonnemain? Le transport maritime a besoin de ralentisseurs. Malheureusement, la mondialisation est un accélérateur. Et donc, il y a deux pulsions qui sont absolument incompatibles. Parmi les ralentisseurs, on pourrait éventuellement compter sur les inspections dans les ports, mais ces inspections sont insuffisantes. On a demandé au Centre de sécurité des navires du Havre, au moment où le Grande América était au fond de l'eau, qu'un contrôle très sévère soit effectué sur le Grande Nigeria, dans le port du Havre, donc il nous a été répondu qu'il fallait pas harceler les armateurs, qu'il fallait que les visites soient équitables, mais que, bon, on allait peut-être regarder un peu ce Grande Nigeria. Ils l'ont gardé, ils l'ont laissé partir, alors qu'ils ont noté 10 déficiences, notamment dans les systèmes de lutte contre les incendies. Mais ça, pourtant, ça devrait profondément déplaire aux assureurs. Oui, ça leur déplaît, ça commence à les inquiéter, mais ils augmentent les primes d'assurance, ça se répercute un peu sur le taux de fret, c'est-à-dire sur le taux de transport des conteneurs, mais les assureurs commencent à être vigilants, c'est vrai, c'est une piste d'amélioration parce que les incendies sont de plus en plus fréquents sur les porte-conteneurs. Celui-là, le Grande América, c'était pas vraiment un géant, c'était pas un nain non plus, mais c'était Donnez-nous des ordres d'idées, justement, quand vous parlez de gigantisme sur les mers, Jackie. Le Grande América, 200-214 mètres de long. Les gros modèles, maintenant, c'est 400 mètres de long, 50 mètres de large et 20 000 boîtes, c'est-à-dire 20 000 conteneurs à bord. Et sur ces monstres-là, il y a effectivement... 20 000 boîtes, ça veut dire, c'est quasiment sur un semi-remorque, on met combien de conteneurs? On en met deux au maximum. On en met même un seul, parce qu'il y a deux types de conteneurs. Il y a le 20 pieds et le 40 pieds. Sur un Smirnov, vous mettez un conteneur de 40 pieds. Donc c'est 20 000 camions. 20 000 camions. sans le tracteur. Et donc, avec des classes de matières dangereuses, différentes, parfois incompatibles, et il y a de plus en plus d'incendies à bord de ces navires, voire des ruptures en deux, comme des baguettes, à cause de d'erreurs dans l'architecture. Et puis, il y a aussi un autre phénomène, c'est la perte de conteneurs en mer au moment des tempêtes, et là, les chiffres divergent. Tout le monde n'est pas très transparent, mais on peut estimer qu'il y a entre 15 000, 20 000, 40 000, 50 000 conteneurs qui partent. 15 000, 20 000 conteneurs par an à la mer. Et des conteneurs qui contiennent quoi? On n'en sait rien, mais on imagine. Tous les conteneurs transportent des matières dangereuses pour l'environnement marin, même si c'est des matières plastiques. Des matières plastiques qui vont se dégager du conteneur éventré, qui vont s'effriter, qui vont se fragmenter en particules, et puis qui vont être bouffées par les oiseaux et les poissons. Et puis aussi les vraies matières dangereuses, selon l'Organisation Maritime Internationale, qui sont des radioactives, des explosifs, des corrosives. Et puis, il y a aussi un... Tant qu'on y est, allons dans tout le, au fond de tous les, de toutes les ombres, de tous les couloirs. Il y a aussi des fausses déclarations. Des fausses déclarations, c'est-à-dire que un transporteur qui envoie en Afrique 40 tonnes d'acide sulfurique, il va dire qu'il envoie 40 tonnes de meubles. Parce que ça lui coûtera moins cher. La prime d'assurance et aussi la facture de l'armateur sera moins élevée. Il y a aussi des tricheries au niveau des poids. Et donc, toutes ces incertitudes compliquent, c'est vrai, la conduite du navire quand il y a une prise de feu, parce que le commandant, finalement, ne sait pas exactement tout ce qu'il transporte. Quand vous dites qu'il y a donc parfois 20 000 conteneurs, 40 000 conteneurs, combien d'hommes d'équipage, Jackie Bonnemain ? 20 000 conteneurs, donc, pour 15 types, 15 marins, qui ont du mal à se coordonner parce que les mécaniciens et les soutiers, si on peut dire, sont roumains et philippins, et puis l'état-major est de la nationalité du pavillon. Donc, il y a des clans à bord, il y a des difficultés de compréhension. Mais, en général... On parle pas la même langue. Alors, il y a des pictogrammes, il y a une espèce de langage de globiche, là. Mais enfin, tout ça est très difficile parce qu'il y a les accents, il y a aussi les religions qui sont différentes. Et donc, la tendance, c'est des navires de plus en plus gros avec des équipages qui coûtent de moins en moins cher et qui sont de moins en moins nombreux. Est-ce qu'il y a des marines qui sont plus sûres, a priori, que d'autres? Est-ce que, je vais vous poser une question très naïve, Jackie Bonnemain, est-ce que les bateaux français, d'abord, est-ce que ça existe ou est-ce que tous les bâtiments français sont sous pavillon étranger, pavillon de complaisance? Et est-ce qu'on peut imaginer que certaines règles soient mieux respectées par certains pays? C'est difficile à dire. Les bateaux français sont pas les pires. Il n'empêche qu'ils ont des équipages multinationaux et qu'ils sont soumis à la même urgence, à la même ponctualité que les autres porte-conteneurs. On peut pas dire qu'il y ait des pavillons qui soit exemplaire et exempte de risques. Cependant, on peut dire qu'il y a des pavillons de complaisance comme le Liberia, Panama, qui sont particulièrement exposés au naufrage. Mais regardez là, le Grande America, c'est un Italien. Avec un capitaine italien, un officier en second italien et tout le reste, si on peut dire, philippin et roumain. Est-ce qu'on a appris des naufrages précédents? Parce qu'il y a eu énormément de marées noires, lesquelles marées noires ont véritablement frappé l'opinion, la moco Cadiz, mais pas uniquement. La marée noire évolue, c'est-à-dire que après l'Erika, le Prestige, les marées noires historiques, les pétroliers, les tankers pétroliers qui transportent du pétrole avec qui transportaient du pétrole avec une seule coque ont été mis de côté. Ils ont été cassés à Alang en Inde, ou alors converti en transporteur de minerais ou d'autres marchandises liquides. Il y a un assainissement de la flotte des pétroliers. Mais le danger vient d'ailleurs maintenant, quoique, attention, un gros pétrolier qui se casse en deux ou qui s'échoue, on est à l'abri de rien. Combien de litres ? 200 000 tonnes. 200 000 tonnes. Alors que là, par exemple, on avait 2200 tonnes de fuel, donc on pour avait sa 2200 consommation. Tonnes. Mais donc, il ne faut pas voir le naufrage et le risque maritime sous le seul angle de la marée noire. Maintenant, le danger, c'est aussi les conteneurs, les cargaisons à l'intérieur des conteneurs. À bord du Grande America, il y avait beaucoup de vieilles bagnoles, de vieux camions, mais attention, les réservoirs semi-pleins, hein, des engins de travaux publics, de seconde main aussi, mais aussi des produits toxiques, des fongicides, des insecticides. C'est ça qui est bien, quand on travaille avec l'Afrique, ils envoient des déchets et puis aussi des produits toxiques, parce que l'Afrique n'a pas encore de chimie, de synthèse. Et donc l'évolution, c'est que les marées noires peuvent revenir non seulement des pétroliers, mais aussi de ces bateaux géants, les porte-conteneurs dont je parlais tout à l'heure, qui contiennent en moyenne en soute 10 000 tonnes de pétrole. Et puis, ça, le danger vient aussi, bien entendu, de la cargaison des conteneurs, des chimiquiers qui sont de plus en plus grands. Donc, l'éventail des risques et des complications à survenir après des naufrages est en train de s'étoffer. Il faut que la mythologie de la marée noire s'estompe un peu dans l'esprit des gens, quoi. Il n'y a pas que la marée noire dans la vie des naufrages. Et dans la vie des catastrophes maritimes. Est-ce qu'on aurait pu deviner ou en tout cas s'inquiéter de l'état de ce bateau ou de sa cargaison et les deux... Mais de ce bateau, bien sûr, il a un très mauvais profil. Il avait été depuis 2010 repéré dans tous les ports européens et même en Amérique du Sud où ils sont pas très regardants, tout en l'étant un peu quand même. Donc il est absolument sûr que dans un monde calme, posé, réfléchi, le Grande America n'aurait pas dû quitter Hambourg avec tout ce foutoir combustible, inflammable et explosif à bord. Et dans ces conditions, qu'est-ce que vous, Robin Desbois, puisque vous en êtes le porte-parole, Robin Desbois, une ONG spécialisée dans la défense de l'environnement, qu'est-ce que vous réclamez, Jackie Bonnemain ? Du calme. De la lenteur, du ralentisseur, plus d'inspection, plus de sévérité, et puis aussi que les plaintes déposées par les ONG comme Robin Desbois soient suivies par les procureurs et ne soient pas jetées à la poubelle, et que les naufrages ne soient pas mis sur le dos d'une espèce de fatalité ou d'événement climatique irrépressible et inévitable. Qu'est-ce que vous avez déposé, par exemple, comme plainte ? Alors là, on est allé à Brest pour des raisons diverses, notamment parce que la préfecture maritime, à notre demande, à la demande de Robin Desbois, a publié, au bout de 15 jours ou après le naufrage, l'inventaire le plus complet possible de la cargaison. Et ça, dans l'histoire de l'accidentologie mondiale maritime, c'est une première. Et ça va créer des précédents. On a eu des surprises. Parce que le premier communiqué de Grimaldi Lines disait qu'il y avait 70 tonnes d'acide sulfurique. En fait, il y en a 700. Et ils avaient le droit ? Eh bien, en plus, il y a un règlement intérieur chez Grimaldi Lines qui disait que le Grande America, ce navire en particulier, ils en ont une centaine, ne devait pas transporter de matière corrosive. Il n'y a pas plus corrosif que l'acide sulfurique. On en est même à se demander s'il ne pouvait pas y avoir des sources radioactives. Hein. Je ne parle pas de déchets radioactifs, je parle de sources radioactives à usage industriel, souvent utiles dans les industries minières ou pétrolières en Afrique. On a donc déposé plainte à Brest pour rejet en mer de substances toxiques devant le tribunal de Brest de première instance. Alors, vu que la marée noire semble se diriger vers l'Espagne, il va peut-être profiter de cette bénédiction pour lui, pour mettre au panier la plainte. Et on a une mauvaise expérience avec ce procureur, en tout cas avec ce tribunal, parce que le procureur a été muté. Il y a 4 ans, on avait porté plainte contre Maersk, premier armateur mondial, qui avait perdu au large de la Bretagne plus de 400 conteneurs dans une tempête. Il y avait vraiment des éléments qui prouvaient que des négligences, des fautes légères ou lourdes avaient été commises par l'équipage et par l'armateur, mais notre plainte a été mise à la poubelle. Merci beaucoup, Jackie Bonnemain. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'ONG Robin des Bois. Superfell a été déglingué par Daphné Abgral à la production, saccagé par Clément Daté à la technique et surtout ruiné par David Jakubowiez à la réalisation.